21-20, activation orale, ce qu'on peut avoir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. J'ai horreur du latin. Et vous dites... Tu as tort, c'est intéressant. 2. Mireille a horreur de la chimie. Elle a tort, c'est intéressant. 3. Jean-Pierre a horreur des maths. Il a tort. 4. Nous avons horreur de la philosophie. Vous avez tort. 5. Mes parents ont horreur du cinéma. Ils ont tort.